Chapitre troisième. L'automne vint, puis l'hiver. Les longues nuits ouatées de neige, dont rien ne trouble le silence, passèrent l'une après l'autre sur le lit où gisait Victor, devenu aussi blanc que les champs au dehors, aussi frêle que les minces branches de bouleau balancées par le vent, devant la fenêtre qui lui faisait face. La seule distraction du pauvre être ainsi brisé dans sa force et sa grâce était d'écouter les sons que son frère Démiane tirait d'un petit violon rauque, mais toujours bien accordé. Étendu sur le dos, presque à plat, ses mains de cire allongées sur la couverture, les yeux perdus dans l'air gris de l'hiver morose, il se laissait enchanter par la musique bizarre de cet artiste inconscient. Pendant que Démiane, les sourcils froncés par la concentration de son travail, s'appliquait de toute son âme à rendre la douceur mystique des hymnes d'église. Pendant qu'avec l'audace de ceux qui ne savent pas, il cherchait à trouver la tierce et la quinte des accords qu'il entendait en lui-même, sans se douter que c'était un tour de force, recommençant jusqu'à ce qu'il eût acquis le moelleux qu'il cherchait, Victor rêvait à mille douceurs perdues pour lui. C'était la forêt au printemps. Les muguets croissaient par milliers dans l'herbe encore menue. Les petites plantes en forme de tirse, qui sentent la fleur d'oranger et qui ont une élégance incomparable, tapissaient les creux où les racines des sapins avaient jadis vécu. Les pinsons jasaient, les merles sifflaient, et bien loin, à l'orée du bois, le coucou faisait retentir à intervalles égaux son appel mélancolique. C'était bon de sauter à pieds joints dans les feuilles mortes de l'automne précédent, puis de rebondir sur le bord et de courir dans les clairières, en s'élançant par-dessus les maigres buissons et les troncs abattus par les tempêtes de l'hiver. Le soleil descendait peu à peu dans le ciel, et l'on oubliait parfois de retourner au logis. Soudain, un rayon rouge enfilait le dessous des grands pins, tout là-bas, là-bas, à une demi-lieue plus loin, et dépassant nos jeunes vagabonds, s'en allait pailleter au plus épais de la forêt le tronc blanc d'un bouleau, cru par hasard au milieu des arbres résineux. « Il est temps d'aller à la maison, grand temps, Démiane, nous serons grondés. » Et de courir encore plus fort et plus vite, sautant plus haut, dans le rayon de soleil en ligne droite vers la maison, sous prétexte de raccourcir le chemin, en réalité pour l'allonger un peu. On arrivait au logis, échauffé, haletant, mais personne n'y prenait garde et le souper semblait si bon. « Encore, Démiane, encore !» disait Victor à son frère, qui s'était interrompu pour interroger sa chanterelle. Démiane recommençait, et les rêves avec lui. C'était en automne. Les feuilles tombaient déjà, comme des pièces d'or semées par une main prodigue. Ceux qui avaient des fusils allaient à la chasse. Mais les fils du père Kouzma n'avaient pas de fusils. Alors on préparait les filets, les appeaux, puis on allait les tendre de grand matin, pour que le soir les oiseaux n'en eussent pas méfiance. C'était sur une branche mince, mais non flexible, que Victor avait placé son meilleur siège. D'en bas, on ne pouvait le voir, grâce aux feuilles encore épaisses en cet endroit-là. Alors le jeune homme s'aventurait sur la branche. Elle eût dû plier sous son poids, mais elle ne pliait pas. Sans doute le bois n'avait plus toute sa sève. Soudain, un craquement effroyable se fait entendre avec une plainte douloureuse, et Victor, frémissant de la tête aux pieds, se retrouve dans son lit. « Qu'est-il arrivé ? » demanda-t-il, tout pâle, à son frère dont le visage s'assombrit. « J'ai cassé ma chanterelle, » répond Démiane avec tristesse. « Je vais être obligé de m'en passer jusqu'au retour de M. Roussoff. » C'est ainsi que, privé de sa chanterelle, Démiane passa l'hiver à essayer de la remplacer par d'ingénieux artifices, au moyen des cordes qui lui restaient, et qu'il apprit tout seul à vaincre des difficultés qui, sous l'œil d'un maître, l'eussent découragé. Cependant, Victor ne se levait pas. Sa fracture était guérie depuis longtemps, mais une faiblesse extraordinaire l'empêchait de se tenir assis plus de quelques minutes à la fois. Ses traits avaient pris une forme nouvelle. Son visage devenait pointu. Ses yeux, autrefois petits et enfoncés, s'agrandissaient étrangement. Il était plus beau qu'avant, mais sa beauté faisait peine à voir. Enfin, le printemps revint. La famille Roussoff arriva un peu plus tôt que d'ordinaire, et à peine descendu de voiture, le médecin se dirigea vers la maison du prêtre. La fenêtre de la chambre des deux garçons était ouverte. Il tourna la tête de ce côté et fut surpris de rencontrer deux yeux noirs, mélancoliques, qui le regardaient avec une expression d'attente douloureuse et résignée. « Je connais ces yeux-là, » se dit-il, « et cependant... » Il s'avança, et la voix de Victor, si faible qu'elle semblait venir d'un rêve, lui souhaita le bonjour. « Ah, mon pauvre garçon, » dit-il, en se hâtant de franchir le seuil. Il examina le jeune homme, le filmait, le força à se tenir debout. La mère, le père, anxieux, se demandaient pourquoi ils tourmentaient ainsi leur enfant malade. Quand il passa doucement sa main depuis la nuque de Victor jusqu'aux reins, les parents étouffèrent un cri. Une légère protubérance s'accusait nettement sous la chemise légère et se profilait sur la fenêtre. D'un regard, M. Rousseau imposa silence aux lamentations prêtes à se déchaîner. Les yeux dilatés, le visage couvert de larmes, Démiane regardait son frère avec l'expression de la plus tendre pitié. « Cela ne fait rien, M. Rousseau, » dit le jeune infirme. « Je suis bossu, n'est-ce pas ? Il y a longtemps que je le sais. J'ai passé tant de fois ma main derrière mon dos quand j'étais tout seul, et puis cela me faisait si mal. » Après la première explosion de douleur, le père Kouzma s'adressa au médecin. « Qu'allons-nous faire ? S'il est difforme, mon pauvre fils, que Dieu l'épargne, ne pourra plus se consacrer au service du Seigneur. » L'Église n'admet dans le clergé slave que les hommes sans défaut physique. « Eh bien, » fit M. Rousseau, « voilà votre successeur. » Il indiquait Démiane, qui, les yeux toujours remplis de la même horreur, de la même pitié, n'avait cessé de regarder son frère. « Tu seras prêtre à ma place, n'est-ce pas, Démiane ?» dit Victor de sa voix douce et plaintive. « C'est toi qui célébreras l'office divin et qui portera dans tes mains le Saint des Saints en passant sous la porte impériale qui ouvre le tabernacle. J'ai pensé souvent cela, mon frère, et sais-tu ? Je n'ai presque pas regretté mon accident, en pensant que tu es plus beau, plus fort et plus spirituel que je n'ai jamais été. Veux-tu être prêtre ? Demanda M. Rousseau, en posant affectueusement la main sur les cheveux frais du jeune garçon. Je ne sais pas, répondit celui-ci. Est-ce que je pourrais jouer du violon ? À cette question que la théologie du père Kouzma n'avait pas prévue, tout le monde s'entre-regarda un peu surpris et fort en peine de répondre. « Pourquoi pas ? » dit enfin M. Rousseau. « Le roi David a bien dansé devant l'arche en s'accompagnant de divers instruments de musique. Et d'ailleurs, il avait charmé naguère avec sa harpe les fureurs du roi Saul. Je ne vois pas que les ordres sacrés doivent interdire le plaisir innocent de jouer du violon. « Je veux bien être prêtre, » répondit Démiane d'un ton soumis. Son père leva la main droite, et le jeune garçon se prosterna jusqu'à toucher le sol de son front. Le prêtre lui donna sa bénédiction pendant que ses yeux se mouillaient de larmes amères au souvenir du jour où il avait béni son premier-né. Mais il avait appris la résignation depuis les tristes jours de l'automne. La mère bénit aussi son fils, puis Victor fit signe à son frère de s'approcher. « On m'avait donné au séminaire des images saintes pour me porter bonheur pendant ma carrière. Tiens, prends-les, » dit-il, « elles doivent t'appartenir. » Il passa au cou de son frère le petit cordon de soie qui supportait quelques menus objets de piété et l'embrassa trois fois, puis, se laissant aller sur ses oreillers avec l'air heureux et fatigué des convalescents, « Je suis content, » dit-il, « très content. C'est Démiane qui sera l'homme de la famille. Moi, je n'aurais jamais été qu'une bête. » Et ses bons yeux agrandis, spiritualisés par la souffrance, enveloppèrent son frère d'une bénédiction aussi tendre, plus tendre que celle de leur mère.